Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Bérine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, 4 paysages, une série de Camille Jusa, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a les rues que l'on arpente, les immeubles, les usines plantées au milieu de nulle part et leur ombre portée, les parcs que l'on traverse, les allées bordées de maisons. Il y a des tours, des hangars, des grands ensembles, des esplanades, de grands gestes architecturaux et d'autres plus discrets. Car on habite un décor. Un décor pensé, porteur d'un projet individuel ou collectif, égoïste ou généreux, mais porté par une idéologie, même si elle cherche à se faire discrète. L'architecture est une fiction comme une autre, le tout est peut-être de savoir quelle histoire elle nous raconte. Alors pour commencer, les personnages. Un professeur face aux ruines, un architecte devant des plans, un enseignant nostalgique, une fille qui se souvient que son père est oriental, un architecte atterré de ce qu'on a fait de son projet, des professeurs épanouis dans un bâtiment transparent, des étudiants clairvoyants et un architecte qui préfère détruire plutôt que de dénaturer. Ensuite, le décor. Des patios, des arbres, des morceaux de ciel bleu, des baies vitrées, des fenêtres cassées, des plafonds qui fuient, des bulldozers, des utopies et leurs décombres, un peu de Berlin-Ouest et le retour de la hiérarchie. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Toulouse, dans le quartier du Mirail, et les engins sont en place. Vous êtes professeur de lettres modernes à l'université du Mirail à Toulouse. Devant nous, on a des engins de démolition et même de terrassement qui s'activent. Et par terre, une pancarte avec écrit UFR de lettres. On est précisément sur les décombres de l'université construite par Candélis où vous avez enseigné vous pendant 20 ans. Oui, c'est triste de voir ça. Et on est exactement là, ils sont en train de finir le chantier, le bâtiment qui était le bâtiment 18, qui est à l'entrée de l'université, qui est donc le premier bâtiment où on arrivait quand on entrait dans l'université de Candélis, vient d'être détruit là, le mois dernier. Donc voilà, ils sont en train de finir de le raser, ils vont planter une pelouse à la place. Du Mirail faisant table rase, enquête sur la disparition d'une université des années 70. Camille Jusa, Vincent Deck. C'est une histoire qui commence dans les années 60, quand le manque d'habitation poussait l'État à se lancer dans des programmes de construction XXL et qu'une seule équipe d'architectes pouvait se voir confier la construction de milliers de logements. En 1963, l'architecte Georges Candélis et son équipe se retrouvent à la tête d'un navire amiral de 100 000 logements à la périphérie de Toulouse. Ils y expérimentent une forme urbaine gigantesque et totale, avec l'utopie d'englober dans un seul ensemble toutes les activités humaines, de l'habitat à l'université, et pourquoi pas régler les problèmes de la ville. Faute d'espace, les centres des villes ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants, à moins de raser ces villes pour en reconstruire d'autres. Raser Toulouse, capitale de l'Occitanie, sûrement pas. Alors que faire? Alors, en survolant Toulouse, Georges Candélis, architecte en chef du Mirail, explique comment on en est arrivé à repenser l'urbanisme. Nous avons essayé de faire un quartier de Toulouse, c'est-à-dire ni grand ensemble, ni ville nouvelle, parce que tous les deux sont devenus un peu péjoratifs. Grand ensemble, on pense tout de suite à une ségrégation. Ville nouvelle, on pense tout de suite à la science-fiction. Alors c'est ni l'un ni l'autre. Toulouse grandit comme toutes les autres villes, mais peut-être Toulouse plus fort que les autres. Ils avaient besoin d'extension. Ben, Toulouse-Mirail, ce n'est pas autre chose qu'un quartier qui est la conséquence de la croissance. Dans cette méga-structure complexe, censée rompre avec les barres monotones des années 50, il est prévu des commerces, des écoles et même une université pour 7000 étudiants. Pluguée au quartier du Mirail, dont elle est censée être une ramification, l'université se déploie le long de 4 coursives, 4 rues, en petits modules alternant bâtiments et verdure, selon une trame que l'on pourrait faire ainsi proliférer à l'infini. Vous voyez là, ça, le plan numéro 0 quand même. C'est, vous voyez, c'est Candilis ici qui signe avec Alexis Josic. Et on voit très bien sur ce plan numéro 0 tout le quartier du Mirail et le quartier de l'université avec ce système de dalles, l'espace public suspendu à 5 mètres au-dessus du terrain naturel et qui distribue comme ça ici tout du long l'ensemble du quartier. Et on voit quand ça arrive au niveau de l'université comment le système de dalles s'élargit pour former une espèce de grande place qui ouvre sur ce rectangle de l'université, avec la ville qui passe sur le côté. Rémi Papillot, vous êtes architecte, professeur à l'école d'architecture du Mirail. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Georges Candilis et qui est cette équipe Candilis, Josic et Woods? L'équipe, elle se réunit en gros en 54, donc c'est 20 années... De cette équipe Candilis, Josic et Woods, et en 20 années ils ont construit plusieurs milliers de logements, des centaines d'équipements. C'est une équipe d'architectes au moment des 30 Glorieuses qui est dans tous les réseaux, dans les revues Architecture d'aujourd'hui, Technique et Archi. Et donc c'est trois personnes qui viennent de l'étranger parce qu'ils fuient leur pays. Candilis fuit la Grèce, hein, des colonels. Il vient s'installer, il vient frapper à la porte de Le Corbusier un samedi, nous raconte-t-il. Et Le Corbusier lui ouvre, hein, il vient d'avoir la commande pour l'unité d'habitation de Marseille. Et donc il lui propose de travailler avec lui sur l'unité d'habitation de Marseille, ce qu'il va faire pendant plusieurs années. Donc on peut dire que c'est une équipe très en vogue dans les années 60, qui rafle beaucoup de concours. Oui. Et comment ça se joue au Mirail? Pourquoi ils sont à la tête d'un projet gigantesque, en fait? L'idée, c'était de densifier cette ville, et plutôt que de se contenir, de trouver un terrain d'expansion pour la ville qui soit aussi grand que la ville elle-même. On parlait donc de 150 000 habitants à loger, ce qui était l'équivalent de ce qu'on trouvait sur la ville ancienne. Et donc, un grand concours dit international est lancé. C'est Candilis, Josic et Woods qui sont retenus parce que c'est des gens qui ont fait leurs armes, si vous voulez, tant à l'échelle architecturale qu'à l'échelle urbaine, autour de l'idée d'utopie. Il y a une époque où on doit trouver une ville qui fasse comme ça le lien entre véhicules, piétons, qui soit ancré dans un territoire. Vous voyez ce système organique, c'est une croissance autour d'un espace public comme ça, qui fait la part belle au hasard, à ce qu'on n'avait pas prévu, aussi beaucoup de liberté. Comment le projet d'université arrive dans cette histoire du Mirail? L'université explose dans ses murs, dans le centre ancien. Les lettres, les sciences humaines viennent dans la modernité du quartier du Mirail. Et très vite, Candilis et Josic, qui viennent de signer l'Université libre de Berlin, et tout d'un coup, Toulouse-le-Mirail devient non seulement la synthèse sur les bâtiments d'éducation du supérieur, mais aussi devient la synthèse de leur pensée urbaine sur le quartier. D'où l'importance extrême de ce bâtiment pour eux. C'est donc un paysage de chantier. Que s'est-il passé au Mirail? Comment une université construite par l'un des architectes les plus en vue des années 60 a-t-elle pu être rasée dans l'indifférence quasi générale? Que s'est-il passé pour qu'en 45 ans, ce qui apparaissait comme révolutionnaire tombe ainsi en disgrâce? Pourquoi la table rase? L'université du Mirail n'est pas la seule à être tombée dans les griffes des bulldozers. À Bobigny, à Pantin, à La Courneuve, l'architecture des années 70 subit des attaques répétées de la part d'élus exaspérés par les problématiques sociales que ces quartiers rencontrent. La loi Borloo de 2002 et les émeutes de 2005 n'ont fait qu'accélérer la destruction d'une architecture d'à peine 40 ans, qui semble décidément maudite. Face aux décombres de l'université du Mirail, la perplexité est grande et la question se pose. quelle schizophrénie nous saisit face à l'héritage architectural des années 70 et que faire de cette architecture? Là où est le bulldozer, là, il y avait un patio avec des framboisiers, par exemple, et donc il y avait sur un espace relativement pas très très grand, il y avait 101 patios qui trouaient la structure et qui faisaient que on était toujours au contact de la verdure et de l'extérieur. Chaque patio était planté avec des espèces différentes, et ces patios étaient de tailles différentes. C'est-à-dire que Coenis avait travaillé à partir d'une trame de 6 sur 6, et donc il y avait des patios de 6 sur 6, mais il y avait des patios de 4 fois 6 sur 6, par exemple, ou plus grands, et c'était donc une structure très très variée. C'est vrai qu'en tant qu'usager, en tant qu'enseignant, je m'étais toujours senti bien dans ces bâtiments. Moi, j'avais fait mes études à Jussieu, comme étudiant, et le Mirail, c'était l'antithèse de Jussieu. Jussieu, c'est en hauteur, avec ces espèces de douves. Et quand je suis arrivé au Mirail, c'était l'exact inverse, c'est-à-dire que c'était une architecture entièrement horizontale. Il y avait des bâtiments, c'était au maximum R+1, donc il y avait juste deux niveaux, extrêmement ouvert. Et donc quand je suis arrivé ici, moi j'ai soufflé, enfin je me suis... On aurait mal imaginé dans le campus de Candilis un professeur se baladant en toge, par exemple. Il y avait une sorte de... L'architecture suggérait quelque chose de très ouvert, de très égalitaire. Et lui, il avait pensé ça à partir des premières universités, enfin, disons Platon, la Grèce, etc. Et donc, il pensait à des choses ouvertes où l'essentiel, c'était la parole, l'échange de la parole. Et les patios étaient des endroits où on pouvait se retrouver. Parce que le principe de Candilis et de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur cette université, c'était de ne pas faire quelque chose de monumental. Et que l'université moderne serait une université ouverte, démocratique, égalitaire. Et on était dans l'après-68, donc c'était une autre... Il y avait une utopie architecturale derrière ce projet-là. Enrique Fraga, vous êtes arrivé à l'université de Toulouse en 1971. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Oui, en fait, je suis arrivé en 71 pour demander l'asile politique en France. J'étais étudiant à Saint-Jacques-de-Compostelle, antifranquiste. Et à l'époque, c'était un peu dur, rien que pour des manifestations et pour distribuer des tracts contre la dictature. On me demandait 5 ans de prison. Alors j'ai préféré venir en France. Qu'est-ce que ça représentait, cette nouvelle université? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là autour de cette université? Comment vous dire, l'université avait une image de gauche, de presque d'extrême gauche. Et donc, le déménagement au Mirail, c'était, voilà, on va avoir un lieu où on pourrait penser librement, construire une université différente. Il y avait tout un acte créatif à travers cette université. Et on était dans l'écho de mai 68. Et on voyait bien dans les professeurs, moi j'étais en philosophie et dans d'autres secteurs, qui avaient donc une sorte de mise en question de la tradition et un renouvellement de la pédagogie, de la façon de faire. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé au Mirail, c'est de voir ces murs, hein, des cubes carrés avec des grandes baies vitrées, et qui étaient surprenants. L'université du Mirail, elle est construite parce qu'on est vraiment trop à l'étroit dans le centre de Toulouse. Et en même temps, c'est comme un laboratoire architectural, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup de choses de cette nouvelle université. Ce qui était évident, c'était le fait qu'on cassait le cours magistraux, fait en grand amphi, pour donner priorité aux cours type travaux dirigés et en petits groupes, où le professeur n'avait pas la parole sacré, mais il mettait sa parole en contact avec celle des étudiants, qui pouvaient participer. Il y avait peu d'amphi. L'amphi 2 était un grand amphi où il y avait toutes les assemblées générales historiques du Mirail, mais la construction donnait priorité à ces petits groupes. Les bureaux des profs étaient juste à côté des salles de cours, on pouvait les rencontrer, etc. Dans l'université de Toulouse-Le Mirail, le grand principe, c'était un principe de circulation, d'union entre les différents pôles de l'université et de partage, qui retrace un peu le parcours oriental de mon père, qui était un oriental. Et je dis ça parce que dans son architecture aussi, l'idée d'une circulation un petit peu comme les souks d'Istanbul ou où finalement la mosquée, l'université, le souk sont des choses qui se mélangent les unes avec les autres. Par exemple, je crois que dans l'université de Toulouse, le Mirail, aucune salle n'était à proprement parler attribuée. Hein, et justement pour que les salles puissent être polyvalentes et que les enseignants d'une UFR ou d'une autre puissent s'en emparer avec les étudiants. Donc cette idée-là, je pense que c'est une idée influencée par l'Orient. C'était quand même après 68, l'image évidemment, et c'est pour ça que j'avais choisi de venir ici aussi, c'est que j'avais une sensation, j'avais la sensation, l'intuition que je trouverais une grande liberté dans cette université. Pour moi, ce qui faisait sa plus grande qualité, c'était qu'elle était au ras du sol. Mais aussi, tout était près de tout. Et en même temps, moi, ce qui me plaisait, c'était ces petits patios où il y avait un petit coin de nature de partout. C'est-à-dire que, quelle que soit la salle de cours, tout en écoutant un cours, ou moi, en faisant un cours, avoir le regard qui fuit vers un arbre, vers un peu de verdure, et surtout de plein pied. J'ai l'impression que tout est plat. Alors là, on voit, là, celle-là, de, ce petit bout-là est d'origine. Donc on voit comment c'était rythmé avec un bloc construit, un patio de chaque côté, des arbres. Voilà, ça c'est le rythme fondamental. Là-bas, ça a été démoli au bout, mais il y avait aussi un patio. Enfin voilà, c'était comme ça. Et donc tous les 6 mètres, un poteau, une structure porteuse. Oui. Qui rythme et qui définit ces fameux modules pleins ou vides. C'est aussi le fait d'avoir multiplié des petites structures, qui était le principe de Candilis, a fait aussi que dans une université qui avait beaucoup d'étudiants, moi quand je suis arrivé il y avait 30 000 étudiants et c'était encore pour l'essentiel le Candilis, on n'avait presque jamais l'impression de foule et donc on a toujours l'impression d'être dans un environnement qui était à taille humaine, à échelle humaine, qui était fait pour qu'on voit la lumière, qu'on voit l'extérieur et où on n'était jamais vraiment agressé non plus par les sons. Voilà, ça c'est une salle assez typique de l'ancien campus Candilis, vous voyez, avec des grandes baies vitrées des deux côtés, très lumineuses, qui donnent sur un patio, donc on peut voir de la verdure. Et toutes donnent sur des patios ? Toutes données sur des patios, oui. Par rapport à la trame, la salle fait 2 x 6, 2 carrés de 6, et vous voyez que le patio fait lui aussi 2 carrés de 6. Donc on a exactement le patio et la même forme, la même dimension que la salle, et d'une certaine façon, la continuité naturelle de la salle. Ce qui fait que quand il fait beau, on peut faire cours avec les fenêtres ouvertes. On est même arrivé, quand il fait très beau, de faire cours dans le patio. C'est tout à fait possible. Mais du coup, c'est une sensation, c'est très stable. Tout est proportionné. C'est homogène. On a un espace homogène et ouvert. Et c'est très paisible. Et donc, si on s'assoit, on verra en effet le ciel. Alors, selon où on est placé dans la salle, oui, effectivement, on peut voir le ciel, effectivement. Et donc, on va sortir, le cours reprend. Merci beaucoup. Si cette utopie universitaire enthousiasme encore certains, elle rencontre en réalité d'emblée des contradicteurs. En 1971, le nouveau maire, Pierre Baudis, met un coup d'arrêt brutal à l'urbanisation du quartier du Mirail, qui n'est pourtant construit qu'aux 2/3. Le projet de dalle qui devait raccorder l'université au quartier est abandonné au profit d'un programme de lotissement pavillonnaire. Vu d'en haut, l'université est donc un joli dessin orthogonal fait de petits rectangles enchâssés les uns dans les autres. Mais au sud, les immenses barres d'habitation en Y semblent échouer au milieu d'une végétation rase. Un minuscule pont en béton les relie. Comme si cela ne suffisait pas, les premiers bâtiments de l'université, dont les travaux ont été lancés en urgence suite aux événements de mai 68, commencent à révéler des malfaçons en tous sens. Ils ont très peu de temps, effectivement, pour construire. L'entreprise est tellement en retard que pour pouvoir sécher les bétons suffisamment rapidement, ils mettent de l'électricité dans les ferraillages pour que les dalles sèchent plus vite. Faisant cela, ça sèche trop vite, des micro-fissures apparaissent, les bâtiments sont réceptionnés, en tout cas donnés à l'utilisation en 71, et très vite, il y a des fissures, il y a l'eau qui rentre, l'université refuse de réceptionner les bâtiments, donc de payer l'entreprise de ce qu'elle a fait. Un procès est mis en place, on est en 71, avec interdiction que d'y toucher tant que le tribunal n'aura pas rendu son verdict. Et finalement, je crois que c'est en 2001 que le tribunal rendant son verdict en disant 30 ans d'utilisation valent réception, n'y revenez pas. Et à partir de ce moment-là, l'université va enfin avoir un service qui va s'occuper, si vous voulez, de l'entretien du bâtiment. Donc de là où on devait enseigner, si vous voulez, dans la plus haute modernité du moment, ils se retrouvaient avec des bâtiments pauvres. Donc ils ont vécu jusqu'en 2001 comme ça, et ça a généré une détestation absolue de ces bâtiments par les utilisateurs. Très vite, il y a eu des soucis au Mirail de construction. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de ça On commençait à avoir des gouttières très vite, on commençait à avoir des gouttières en cours. Et après, quand j'étais prof, je voyais bien que je faisais cours avec des seaux, avec des gouttières, cloc, cloc, cloc, cloc, dans les cours pendant très longtemps. Et vous voyez cette fac qui a été construite qu'au bout de 30 ans, avait des gouttières, problème d'étanchéité, problème d'humidité, problème de courant d'air, problème de chauffage, surtout l'hiver. En même temps, on était très, très attachés à ces locaux. Et en fait, c'est vrai que cette université était mal faite. Elle est très bien conçue, mais très mal réalisée. Et toute sa vie, on s'est traîné les gouttières, on s'est traîné des choses qui étaient mal faites dans la réalisation par les entreprises. Parce que les entreprises, les prix avait été défini à un moment donné, et puis c'était l'époque où il y avait beaucoup d'inflation, donc entre le moment où les budgets ont été bloqués et le moment où réellement les travaux ont été lancés, il y a eu en franc constant, il y a eu une très forte dépréciation, ce qui a fait que les travaux ont été pris par des entreprises qui ont bâclé. J'ai travaillé régulièrement le lundi matin, je traversais une zone mouillée pour aller jusqu'à la place où je faisais cours. Et on s'en est toujours amusé avec les étudiants, c'est pas très grave. Mais enfin voilà, c'était un peu cette image que c'était pas bien entretenu, que c'était pas très bien fait. Elle a souffert de ça. Il y avait encore dans mon UFR, il y avait encore des fenêtres qui n'ont jamais reçu un coup de peinture depuis 1971. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et ce n'est qu'à partir, c'était à l'époque de Jospin comme ministre, où on a reçu les premiers crédits qui ont permis de repeindre. Repeindre, hein, c'est quand même déjà quelque chose. Uniquement les cadres des fenêtres, des choses comme ça. Et puis, évidemment, d'agrandir ensuite. La question était davantage d'agrandir au départ. Après, pour le reste, il n'y avait pas d'argent et pas de moyens. Face à une démographie étudiante exponentielle, l'université doit en effet s'agrandir. Au début des années 90, toujours en procès, on met en quarantaine cette architecture modulaire prévue pour être étendue et on lui accole tout autour de grands bâtiments sans aucun lien avec son architecture d'origine. Ici, un restaurant universitaire, là, une bibliothèque, et alors que l'université devait se fondre dans la ville, une immense arche pour bien en marquer l'entrée. Exit donc les utopies. Le projet de Georges Candilis est dépecé, le quartier n'a pas sa dalle, l'université reste isolée. En 1992, des journalistes invitent Georges Candilis à revenir dans ce quartier censé être révolutionnaire. Il est lui-même atterré. Monsieur Candilis qui vient visiter son œuvre. Ouais. Eh bien, monsieur, je ne vous félicite pas. Oh. Je sais bien. Oui, non, mais vous avez vu ce qui est devenu le Mirail ? C'est ça que je vois. Oui, mais c'est triste. C'était le Toulouse de l'an 2000. On était bien d'accord. Oui. Là, il y avait toutes les affiches en Toulouse. Oui. Bon, ben, et qu'est-ce que nous avons maintenant ? Vous n'étiez pas venu au Mirail depuis combien de temps ? Plusieurs années, je ne sais pas exactement. Il y a 6 ans que je suis juste passé. Est-ce que vous reconnaissez le Mirail ? Oui et non. Certains endroits qui sont restés suivant les premières idées D'autres, au contraire, qui sont vieillis, ce qu'on a ajouté, on a déformé complètement. Est-ce que ça n'était pas un projet démesuré, complètement démesuré? Oui. Ça, je pense que vous avez raison. Je l'ai senti après. C'est les années 60. Encore, on faisait des rêves pour l'avenir, que le monde qui vient sera meilleur. Et on essayait tout faire pour rendre les gens plus heureux. Puis là-dessus est arrivé AZF en 2001. AZF, l'usine, était très près d'ici. L'université a pris le choc de plein fouet. L'explosion. Le choc de l'explosion, oui, tout à fait. Alors, comme c'est une université très horizontale, ça a relativement peu souffert. Mais heureusement qu'on n'était pas rentré parce que toutes les vitres ont volé en éclats. Moi, j'ai vu les vitres et les morceaux de vitres plantés dans les cloisons à l'horizontale de l'autre côté. Quand il y a eu cette explosion, puis je faisais partie de la toute petite équipe de 10 personnes qui a pu rentrer, qui était autorisée à rentrer là-dedans. À l'époque, je m'occupais de la communication. Et c'était terrible parce qu'on a l'impression que cette fac ne pouvait plus se relever. Et donc, évidemment, c'est là où ça a été décisif, c'est-à-dire que de dire plutôt que d'essayer de réparer, donc la décision a été prise à ce moment de dire, d'accord, on remet en état, on remet des vitres, etc., pour pouvoir démarrer des cours, et puis on va engager une reconstruction totale. Et donc, je pense que l'idée que... Enfin, AZF a encouragé l'idée de la table rase. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, il y a eu une catastrophe majeure, ça a été en partie détruit, faisons quelque chose de complètement différent. Et à partir de là, il y a deux choses qui se sont opposées, deux logiques qui se sont opposées, une logique à la fois patrimoniale et de conception de l'université, qui trouvait que ces bâtiments ne se retrouvaient pas ailleurs en France, qu'il fallait vraiment tout faire pour garder la logique qui avait sous-tendu ces bâtiments et ces bâtiments eux-mêmes, et donc une logique de rénovation plutôt, et puis une logique de table rase, faire autre chose. Jusqu'à ce que, je crois que c'est en 2010, enfin à la fin des années 2000, il y a un schéma directeur qui soit proposé, qui devait servir de modèle, de schéma directeur, de ligne directrice pour la reconstruction, qui lui proposait de garder une grande partie des bâtiments, d'en détruire certains et de construire de nouveaux bâtiments à la périphérie ou dans les zones disponibles. Rémi Papillot, à ce moment-là, va s'engager à l'université, une lutte, un affrontement. Et ce n'est pas tellement une lutte autour de l'état des bâtiments, c'est aussi une histoire de vision sur ce que doit être l'enseignement supérieur. Donc certains veulent raser, d'autres surtout pas. Mais au fond, ce qui a attaqué, c'est la vision très égalitaire qu'il y avait à l'université du Mirail. Ce projet-là ne fonctionnait plus 30 ans après, au fond. Hein, ce n'est pas qu'une histoire de bâtiments. Il y a une remise en question profonde quand même de la façon dont c'est pensé. Vous voyez comment est pensé, comment sont pensés les grands campus aujourd'hui. C'est des systèmes d'unités, de départements qui sont très visibles les uns des autres. C'est plus une collection d'objets que plutôt un ensemble continu et cohérent tel que Candilis, José Kibbutz l'avait prévu là. Donc cet abandon au fond... est sous-tendu par toutes les études. Et nous, on arrive, on dit, mais on peut très bien faire ça autour et conserver cette trame originale comme un objet de transmission, une utopie de l'université au moment de 68. Et la génération qui n'a pas connu les bassines, je le dirais comme ça, était finalement assez... comment intéressé de ce qui était en jeu dans cette université, quoi. C'est est-ce qu'il y a une ville qui a su reprendre ce flambeau et faire de la transmission sur la base de ce bâtiment? Ben c'est très simple. Vous allez à l'Université libre de Berlin et vous verrez comment on peut garder un système et le dynamiser par la construction de nouveaux bâtiments. Winter in Berlin. Weiße Stars und weiße Nächte, man geht durch den Schnee um die Ecke der Schillerstraße in Berlin. schwarze Winternacht. Le vertige est en effet grand quand, passé le Rhin, nous nous retrouvons face à la Freie Universität, le prototype de l'Université du Mirail, construit à Berlin quelques années auparavant par la même équipe. Elle aussi a souffert de graves problèmes de construction. Les façades en acier corten conçues par le constructeur Jean Prouvé pour rouiller légèrement s'abîment très vite et finissent par se trouer. Ici aussi, les bâtiments prennent l'eau pendant plusieurs années. Mais nous découvrons une université qui a été entièrement réhabilitée par un architecte à la renommée internationale, l'anglais Norman Foster. Elle a même fait l'objet d'une extension qui est venue prolonger la trame originale. Nous lisons enfin, à l'échelle 1, l'architecture de Candidis. Summer in Wuppertal. Irène Bemeux, vous travaillez à l'Université libre de Berlin comme architecte. Quand on constate qu'il faut absolument rénover l'université parce qu'elle est en trop mauvais état, comment la réflexion s'engage ici? Est-ce qu'on a envisagé de détruire l'université? Oui, c'était dans les années 90 où on a comparé la démolition et un bâtiment neuf en comparaison avec la rénovation. Et c'était la rénovation qui était mieux marché. Et en plus, on s'est bien rendu compte des qualités du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas démolir le bâtiment. Le bâtiment n'est pas classé monument historique, mais on estime qu'il y a la valeur d'un bâtiment historique. Judith Manschaeffer, vous êtes professeure ici. Et donc on est dans le premier bâtiment construit par Candilis. Ici, c'est vraiment le bâtiment historique, oui. Le premier, oui. Le Rostlaube. Oui, oui. Et là, tout au bout du couloir, là-bas, assez loin, c'est certainement 500 mètres, on trouvera les nouveaux bâtiments. Et donc, on passe les portes du Institut für Romanische Philologie. Et qu'est-ce que vous ont inspiré les bâtiments la première fois que vous êtes venu? Comme c'est beau, comme je m'y trouverais bien. Et donc, depuis cette grande baie vitrée, on découvre un patio avec deux arbres au milieu. On voit par la transparence en face au rez-de-chaussée des salles de cours, sans doute au premier étage des bureaux comme le vôtre, j'imagine, des collègues en face. Oui, oui. Et puis qui relie les deux bâtiments, là, une terrasse dont j'imagine que... Elle peut être aussi occupée l'été. Oui, oui. Ouais. On peut y accéder en face de la porte. J'adore ces petits cours. C'est très beau en été. On y passe beaucoup de temps. Et je ne sais pas si c'est l'architecture, si c'est Berlin. Je ne sais pas, mais il est vrai que c'est une atmosphère très démocratique. Ici, les enseignants sont assez accessible pour les étudiants. C'est tout à fait différent de beaucoup d'autres universités. Je pense que, en fait, ça apporte beaucoup à une manière d'entragir qui est assez égalitaire. Donc ça, c'est vrai, ça marche. C'est vrai, oui, ça marche. Ça veut dire, par exemple, comme tout est vitré, que vos étudiants peuvent voir que vous êtes là, du coup taper à la porte, c'est des choses aussi simples que ça, oui, par oui, exemple. Oui, ils peuvent faire ça, oui. Oui. Alors, on est ici, à l'entrée, pour ainsi dire, du Rostlaube, de la loggia de Rouille. Et on voit la rue, parce que le principe de cette trame, c'est de faire une sorte de ville. Et donc, en quoi consiste une ville? Il y a des rues, il y a des rues, il y a des sentiers, il y a des maisons, il y a des patios. Et donc, ça, c'est le principe de Candilis, Woods et Schiethelm, qu'ils ont réalisé à partir de 1963. Ici, tout s'est fait à pied. Des fois, c'est un peu laborieux, c'est-à-dire il faut vraiment compter quelques minutes d'aller d'un bout à l'autre. Et il faut s'imaginer, ici, on a dans la rue K, je crois, mais ils ont prévu des extensions, y aller jusqu'à A, et Z. Ça aurait couvert vraiment un terrain immensément vaste. Alors, on a pénétré dans l'université. On reconnaît cette trame que nous n'avons pas vue à Toulouse, mais que nous avons vue sur les plans. Donc, une architecture modulaire, des modules qui sont soit pleins, des bâtiments, soit vides, des patios. Assez grand, et surtout ce qu'on découvre, c'est que tout est extrêmement lumineux puisque tout est vitré, donc on a des entrées de lumière partout, et en effet un plan très orthogonal, donc avec des lignes horizontales et verticales, et on voit bien que cette petite trame, ces petits modules vont se répliquer là, à cet endroit-là, on voit, c'est comme si on était à la croisée des chemins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte l'Université libre de Berlin est construite ? L'université libre, c'est la deuxième université de Berlin, et ça remonte aux années 40-48, mais plus exactement, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une tension assez forte à l'université de Berlin. À cette époque-là, c'était bien évidemment la zone soviétique de la ville, et il y avait une très très forte pression idéologique sur l'enseignement universitaire, bien évidemment. Il y avait effectivement des oppressions, des poursuites, on peut dire. Et donc, ils se sont dit de créer une deuxième université dans la partie libre de Berlin, et ça a été effectivement réalisé mais grâce à une aide immense des Américains. Donc, c'est devenu vraiment l'université de West Berlin. C'est-à-dire qu'on est 2 ans après l'édification du mur, et en même temps, le projet qui est présenté ici par Candilic, Josic et Woods, il est très révolutionnaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'université à l'ancienne, avec des cours magistraux, avec. Au contraire, ici, on va faire quelque chose d'assez presque libertaire. Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'une université en matière d'architecture? Normalement, on s'imagine un palais des sciences, n'est-ce pas, avec une grande cour, voilà, avec plusieurs étages, avec le grand auditoire au centre, avec peut-être des fresques ici. Et c'est comme une chose différente, c'est vraiment délibérément modeste. Et pour Candilis, c'est décidément un lieu de rencontre. Ça se traduit dans un concept d'extension de l'espace. Assez plat. Voilà, assez plat. Et donc, pour quelqu'un qui se balade, il n'y a pas de frontières symboliques ou quelque chose comme ça. Et pour Candilis, la conception était une fréquentation égalitaire pour permettre, voilà, par exemple, de suivre un cours, juste comme ça, parce que c'est intéressant, ça c'est vraiment archi-démocratique. La théorie qui n'a pas tellement fonctionné, en vérité, parce qu'en fait, il y a peu de population qui se balade dans l'université. On avance un peu ? Oui. Et alors là, c'est amusant parce qu'on voit, on comprend vraiment bien là, en passant de votre bureau, là, votre bureau donné sur un patio. On est sorti de votre bureau, on a traversé le bâtiment, on ressort sur une petite terrasse qui est entourée de 2 patios. Hop, on va re-rentrer dans un petit bâtiment et on passe comme ça, de petit carré en petit carré. C'est comme un petit puzzle. C'est assez ludique aussi comme architecture. Oui, c'est un grand plaisir. C'est vrai que c'est un grand plaisir. Attention. Des couloirs où on vit. Et là, on se retrouve face à la bulle, l'entrée de l'œuf de Norman Foster. J'adore cette bibliothèque. Alors, on est donc face à cette sorte de bulle créée par Norman Foster, cet architecte qui est venu à l'intérieur de la trame de Candilis, comme ça, une petite bulle à l'intérieur de rectangle. En fait, c'est un grand œuf qui a été pendu ici, au milieu de l'université. Ça me plaît beaucoup. C'est beau. Nous avons quitté l'Université libre de Berlin, ses belles façades rénovées qui ne se trouveront plus, son quartier de villa bourgeoise noyé dans la verdure, Et l'on se dit que décidément, les faits ne se sont pas penchés de la même manière sur ces deux universités sœurs. Ici, dans ce quartier berlinois huppé, on a su voir toutes les qualités patrimoniales de cette architecture utopique. À Toulouse, dans un quartier déshérité, l'utopie a fait long feu. Il était temps pour nous de lever les yeux sur la nouvelle proposition architecturale de l'Université du Mirail. Car raser, c'est une chose, mais pour dire et pour faire quoi ? Deux longs bâtiments déroulent leur façade blanche autour d'une large rue surmontée d'un auvent vitré. Le chantier, estimé à 400 millions d'euros, a été le plus gros chantier universitaire de France. Faute de moyens, le projet a été en partie confié à un constructeur privé, le groupe Vinci. En lieu et place d'Utopie, la rationalisation des moyens dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le constructeur finance ses travaux, mais reste propriétaire des bâtiments pendant 30 ans et facture un loyer à l'université, assorti d'un juste contrat de maintenance. Sur le site de l'université, à grand renfort de communication, on assure pourtant que les architectes ont su garder l'esprit Candilis. Julien Roumette, là, on traverse les nouveaux bâtiments qui ont été construits. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, on est dans une rue qui est très large, 15 mètres, je dirais, qui est couverte avec à 8 ou 10 mètres de hauteur, hein, je crois que c'est 8 mètres, hein, ce qu'ils appellent une canopée, enfin, une couverture. Entre des bâtiments qui sont R plus 2 ou R plus 1, ça dépend. Bah, on ne voit plus de verdure, c'est tout blanc, on ne voit plus le ciel. C'est une chose qui me frappe, c'est que dans l'ancienne université, on voyait le ciel partout, parce que les coursives étaient justement percées de patios où on pouvait aller, donc on était tout le temps dehors. Voilà, donc c'est très froid. Quand on discute avec les gens disent que c'est entre une clinique et un hall d'aéroport. Moi, ça correspond à peu près à ce que je ressens aussi. Et là, c'est vrai qu'on est dans une rue bordée de bâtiments blancs avec des fenêtres assez étroites qui sont chacune coupées par une sorte de diagonale un peu en courbe. Oui, hein. et toutes avec des stores, ce qui veut dire qu'on ne voit pas à l'intérieur. Et ça, c'est une grosse différence avec Candilis, parce qu'il y avait un idéal de transparence chez Candilis. Et l'idée, c'était aussi que ce qu'on connaissait à l'intérieur, on voyait dehors, mais ceux du dehors voyaient les cours aussi. Et ça, c'était une pensée toute très fine, à mon avis. C'est que, en fait, quand on travaillait soi-même dans une salle de cours, on voyait les autres travailler de l'autre côté du patio, de l'autre côté de la coursive. Et le fait de pouvoir passer, de voir les autres travailler, et ben, voilà, rien que ça, ça suffisait à suggérer qu'il y avait une communauté au travail. Quelle est la logique universitaire du camp adverse qui a gagné là C'est une logique hiérarchisée. Hein, c'est même jusqu'à la caricature dans les bâtiments, hein, puisque les secrétariats sont au rez-de-chaussée dans notre bâtiment, les salles de cours au premier et les bureaux des profs au deuxième. Candilis, qui était plus malin que ça, avait fait en sorte de mélanger les fonctions. C'est aussi une logique du contrôle. Et le bâtiment aux lames de gauche, par exemple, devant lequel on est, il fait 200 mètres de long, il n'y a qu'une entrée. Il y a une volonté de contrôle qui fait qu'on veut pouvoir verrouiller les bâtiments. Et fait que de fait, à partir de 6 ou 7 heures du soir, le bâtiment, on ne peut plus rentrer dedans, pas en sortir, mais on ne peut plus rentrer. Un des défauts prévisibles du nouveau bâtiment, c'est d'avoir isolé dans de gros bâtiments avec une seule entrée, encore une fois, les différentes UFR. Mais le risque est que l'architecture n'encourage pas ce mélange fructueux qui était aussi, à mon avis, une réflexion sur ce que c'est que la recherche. Ça se planifie mal, la recherche, en réalité, contrairement à toutes les politiques qu'on met en œuvre depuis des années. La recherche, il faut laisser une liberté, il faut laisser les gens interagir. Et cette architecture-là, c'était une architecture de l'interaction, à travers l'appropriation des bâtiments. Là, on est dans l'UFR de Lettres, qui donc fait partie des nouveaux bâtiments construits grâce au financement de Vinci. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette grande allée là, avec ces bâtiments blancs, cette très très très haute coursive? Nous, ça nous inspire plutôt un hôpital et ça fait penser à un aéroport. Donc il y a quelque chose comme ça avec cette grande canopée. C'est grand et c'est vaste, mais c'est pas organisé de la même façon qu'avant. On n'a plus les petits patios qu'il y avait aussi entre les coursives pour se retrouver. Il y a moins et les salles, les bâtiments sont plus contrôlés, plus difficiles d'accès en dehors des horaires de cours. Enfin, du coup, ça devient vraiment un espace circulatoire de consommation de cours. Et donc, ça change aussi la perception des étudiants et les possibilités de se retrouver. C'est plus compliqué d'obtenir des salles pour proposer des choses de façon autonome. Et en fait, c'est complètement fermé. C'est des, voilà, c'est des espaces où il n'y a pas autant de sorties. C'est enfin, beaucoup plus quadrillé. Donc, avec des amis, on préfère se retrouver maintenant sur la dalle, qui est un espace plus en prise avec le quartier, avec les gens du quartier. Il y a aussi le changement de nom. En mars 2014, l'université du Mirail est devenue l'université Jean Jaurès. C'est une décision qui a été prise entre les membres de l'administration sans aucune concertation, sans aucun débat ou proposition. Et explicitement, dans la lettre qu'il annonçait, c'était une volonté de se désolidariser de l'image du quartier, qui, depuis les émeutes de 2005 particulièrement, il y a quelque chose qui... Même à se descendre à des dizaines de kilomètres de Toulouse, tout le monde identifie le Mirail à un quartier dans lequel de non-droit, une zone de non-droit, etc. Et du coup, dans le but d'attirer de nouveaux étudiants à l'international aussi, que l'université ne s'appelle plus le Mirail, une université reconstruite avec une architecture qui plaît à certains étudiants aussi, qui a ses avantages aussi. Mais vraiment, il y a plein de logiques comme ça, en fait, qui, pour moi et pour d'autres, sont élitistes. Mais vous n'étiez pas pour cette destruction. Vous avez combattu ce projet-là. Alors moi, ce que j'ai combattu, c'était plus l'idée qu'il ne fallait pas tout démolir, qu'il fallait quand même... garder une trace de cette identité. On n'avait pas honte de cette université. Il y avait des gens qui avaient honte du Mirail parce qu'ils auraient préféré une fac dans un lieu chic, au centre-ville, ou je ne sais pas. Enfin, il y a quand même des collègues qui sont très... d'ailleurs, BCBG, quelque part. Hein. Ça existe hein, chez les universitaires. Et on était un certain nombre d'autres à dire non, il y a un caractère campus et non pas simplement école de commerce. Bon, et puis après, ben, les mécanismes, l'équipe de direction à la présidence a changé. Et puis, ben, entre-temps, les marchés se sont conclus. Et voilà, ça donne maintenant ce qu'on a ici. Moi, effectivement, j'aurais aimé qu'il reste un petit peu plus de traces. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on arrive à décider d'un PPP, donc d'un partenariat public-privé, appellation qui cache le fait que l'université va être financée par... en grande partie par un partenaire privé, là en l'occurrence Vinci, et l'université va devenir locataire de ce constructeur. À titre personnel, j'ai toujours été rétif par rapport à cette formule, à titre personnel. Après, j'étais dans une équipe qui avait à prendre des responsabilités collectivement. Et la responsabilité, c'était tout simplement ou ça ou rien. On voyait très bien, régulièrement, cette pression qui était sur les universités, réduire les fonctionnaires, réduire ci, réduire ça. Donc on voyait bien que c'était ou ça ou rien. La balance, elle a été de dire, ça va coûter combien si on refait et qu'on fait tout dans les normes, en gardant les locaux tels qu'ils sont, ou bien raser, reconstruire. Et là, il semblait, à l'époque en tout cas, maintenant je n'ai pas les chiffres à la sortie, mais à l'entrée en tout cas, c'est plus intéressant de tout raser. Que d'essayer de réparer quelque chose qui était quand même mal fait au départ. Vous voyez que Vinci est une véritable problématique hein, dans une université à culture marxiste, hein, c'est toujours un vrai sujet, Vinci étant le vilain capitaliste. C'est vrai que là, dans notre déambulation, là, notre visite des bâtiments, on croise des graffitis qui nous disent « fuck Vinci, Vinci tue ». Vinci n'a pas l'air d'avoir la cote tellement ici. Vous, Gérard Ruet, vous êtes l'architecte qui a construit cette nouvelle université en association avec le cabinet Valo de Pistre et puis surtout en association avec le groupe Vinci. Pourquoi, alors que ça n'était pas le programme, vous avez fait cette proposition de raser l'université de Georges Candilis? Pourquoi cette proposition de table rase? Nous butons sur un fait important, porté par Vinci, entre autres, qui consiste à dire est-ce que Vinci est capable de prendre en charge du point de vue assurantiel l'héritage? En gros, il fallait récupérer 30 ou 35 000 mètres carrés de bâtiments existants qui n'obéissaient plus du tout aux normes constructuelles actuellement opposables. On a fini par se convaincre qu'on n'était pas capable de tenir en rénovant le camp d'hélice. Ou du moins, on pouvait peut-être y arriver, mais on ne maîtrisait plus les coûts, on ne maîtrisait pas le délai. Et qui, plus est pour nous, est encore plus grave, on dénaturait l'architecture de camp d'hélice. Ça interroge la question du patrimoine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'un patrimoine peut rentrer dans un PPP ? Ben, c'est une véritable question. Je ne suis pas sûr de savoir y répondre, de pouvoir y répondre. J'oserais, comme ça, hein, peut-être un peu prématurément et rapidement, dire non. Je pense que si nous avions, collectivement, sociétalement, considéré que le bâtiment de camp d'hélice faisait partie du patrimoine 20e, il fallait en assumer la responsabilité. Mais ce n'est pas une responsabilité qui se pose à Vinci ou à X, c'est une interrogation qui se pose à la collectivité, à la société. Voilà. Et on a fini d'une manière assez linéaire et naturelle avec Jean Pistre pour proposer l'idée à Vinci de démolir. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu, là, en déambulant dans cette grande rue, voilà, quel est le grand principe d'organisation ? Nous, se réemparant de ces histoires de rue, ben, c'est redonner à ce bâtiment les échelles qui sont nécessaires à son étendue, quoi. Donc là, on a un plafond qui est à 8,50 m. Beaucoup plus monumental aussi, vous avez donné de la monumentalité. C'est moins la monumentalité que nous avons recherchée que de créer des conditions spatiales qui permettent de vivre de manière, de se déplacer d'une manière assez agréable. Et en même temps, et une des propositions que nous avons faites avec Vinci, c'est d'accompagner cette rue de véritables aménités urbaines. Nous avons fini par essayer avec Vinci de pouvoir faire rentrer à l'université des services, à savoir un bar public, ou un restaurant public autre que celui du Crous. Je caricature, mais pourquoi pas McDo, hein. Que vous inspire ces nouveaux bâtiments qui ont été livrés ? Actuellement, mais ça a été un choc terrible. Bon, quand le camp d'hélice a été détruit, on a été quelques-uns à être malades. C'est quelque part un retour en arrière, même si les conditions matérielles sont plus décentes. On réinstaure, il y a beaucoup d'amphi, on réinstaure une hiérarchie un peu dans les enseignements, on réinstaure une université moderne qui rentre dans la nouvelle économie, d'une façon de voir qui cherche la rentabilité, l'efficacité, l'insertion professionnelle. Mais on a perdu ses côtés poétiques, philosophiques, nonchalants, côté un peu... C'était Rimbaud qui avait dans cette université. Je pense que c'est une époque complètement différente, quoi. On est dans un monde aujourd'hui beaucoup plus gestionnaire. Donc, si on peut reprocher quelque chose à l'État, c'est de ne pas avoir su gérer les bâtiments qui ont été créés à ces époques-là, quoi. Alors, est-ce que la formule du PPP est une réponse adaptée à cette question ? Je ne m'hasarderai pas sur ce terrain-là. N'empêche qu'au moins, c'est un embryon de réponse. Est-ce qu'il est le meilleur ? L'histoire le dira. Je ne sais pas. Faisons table rase, enquête sur la disparition d'une université des années 70. Merci à Rémi Papillot, Julien Roumette, Drina Candilis, Enrique Fraga, Jésus Aguila, Irène Beumeux, Judith Mann-Scheffer, Christian Freigang, Léa Razès, Gérard Huet, Vincent Espagnol, ainsi qu'à Nicolas Golovchenko, Jean Pinvin et Christine Bolt. Prise de son Jean-Marie Porcher et Clémence Bonfils. Un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Vincent Deck. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez tout raser, bibliographie, lien, nous podcaster pour les travaux ou nous réécouter à Toulouse, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, troisième étape, l'empire du chez-soi, comment le lotissement pavillonnaire a colonisé la France.